s'étire sur la vallée profonde. Rideurs qui veillent l'âme vagabond. Les murmures du bois portent ses pas. Sur Twitch s'allument les flammes d'un combat. Les éclats de voix percent le silence. Les drops tombent, signe de l'ascendance. Dans chaque regard, une flamme ardente. La communauté fière et vibrante. Raiders qu'il trace sa route sans détour. Chaque stream construit un nouveau jour. Les chants s'élèvent dans la nuit noire. Des prières tissent un espoir. La forêt écoute, elle garde en son sein. Les secrets du jeu, les combats sans fin. Raiders kill and skill, héros sans masse. Sur Twitch son nom brille, jamais il ne flasque. Écho des anciens, voix du destin. Raiders kill marche, guidé par le matin. Drop scintille, offrande du sort. Sur Twitch l'aventure s'écrit encore. Terre sacrée, feu invincible, notre foi en lui est indestructible. Les ombres se lèvent, le combat reprend. Riders kill, hurle. Les esprits répondent. Chaque tir résonne, chaque souffle éclaire. Dans cette danse, rien n'est éphémère. Les drops tombent, cadeau du ciel. Pour ceux qui luttent sous la peine. Le repos est bref, la veille continue. Les cœurs s'unissent, la force inconnue. Sur Twitch s'allume la flamme sacrée. Riders kill. Chante, la lutte persiste. Unis dans le vent, nous résistons artistes. Un vent chaud emporte les doutes. Le cœur s'enflamme, jamais il ne s'arrête. Rides qu'il brandit l'étendard. Sur Twitch son nom s'inscrit dans le regard. Pas martel, le sol humide. Riders qui avance, roi de la nuit. Chaque stream forge un nouvel appui. Les voix s'élèvent, écho d'une armée. Dans la forêt, prête à tout livrer. Le silence revient. Fragile, mais les cœurs battent, la lutte est agile. Riders kill sourit, vision claire. Sur Twitch, le futur s'éclaire. Les drops dansent, promesses d'avenir. Dans cette quête, on ne peut faiblir. Les feux. Sur Twitch, l'histoire est à raconter. Une flamme s'allume, un cri retentit. La team s'élève, plus rien ne les nuit. Sous les arbres, la guerre est sainte. Chaque pas grave notre plein. Riders kill marche, légende éternelle. Sur Twitch s'écrit la belle querelle. Et chaud des anciens, voix du destin, rit de ce qu'il mène, fier et certain. Drop Saint-Team, cadeau du sort. Sur Twitch, l'aventure s'écrit encore. Unis par la terre, le sang, la foi, c'est notre monde, notre loi. Le jour se lève, la brume s'efface, mais la lutte vit dans chaque espace. Riders qu'il part, droit et fier, car dans la forêt la guerre est claire.